c'est là que j'aime sur entre mes bras. Et j'ai compris que pour toujours, elle sera mon amour. Waiter, hey waiter, j'ai envie de pleurer. Elle est ici accompagnée de mon plus grand ami. Joue contre joue, ils ont dansé, ils se sont embrassés. Mais j'ai compris que cet amour est fini pour toujours. Autres verres, ils sont partis seuls dans la nuit, il n'y a plus d'espoir. Ce soir je vais rentrer pour tenter d'oublier l'image de celle qui fut pour moi l'espoir d'un grand amour. Waiter, hey waiter, il est déjà 3 heures. Deux autres bières pour ma peine et ma douleur. Même si je bois pour oublier, je garderai toujours l'image de celle qui fut pour moi l'espoir d'un grand amour. Waiter,